C'est maintenant avec Miss au platine. Galaxy. Galaxy. Music. For happy people. Happy people. Happy people. We'll be right back. Système fréquence 95.30, tu profites de nos programmes certainement sur internet lelive.galaxyfm.com pour profiter du 100% rétro depuis 10h ce matin, émission spéciale jusque 16h avec la dernière de Sound System, c'est la der, et oui, il faut bien une fin avec au platine plein d'invités depuis 10h ce matin. Il y a eu Alex Kaya, Tom, Dust, Ice, Manhattan, Conny et puis plein d'autres, et tu écoutes actuellement Miss Liu qui est venue faire un petit tour au studio et mixer quelques plaques. Elle en mixe une dernière, un dernier vinyle, et puis juste après, place à Nicolas qui mixera quelques morceaux rétro. Nicolas que tu retrouves le mardi soir pour son émission Trip in Progress. Tout de suite, c'est Miss Liu et Nicolas dans quelques minutes. Galaxy plays all the hits, all the time. Galaxy Sound System, c'est la spéciale et on vient de passer le cap des 15 heures ensemble. Nickel avec Miss Liu au platine qui vient de terminer son set. House and Techno Radio. Galaxy. Elle vient de terminer son set mais elle est avec nous à l'antenne. Ça va Miss? Oui, ça va, soulagée. Là, je suis toute molle. Ah, t'es toute molle. Oui, merci pour les plaques avec pas mal de bons sons que tu nous as mixés. Mais je t'en prie, merci à toi en tout cas. Bon, bah, ça fait plaisir. On la retrouvera peut-être dans une émission avec Connie. Attends, hop là, voilà, je coupe la jingle. Non, elle le sait très bien, elle est bienvenue dans Electromix. Elle est bienvenue dans Electromix, elle est déjà venue. Amie fan de la Duvel, bonsoir. Bonsoir. Non, mais elle est bienvenue, bon, je sais pas. Merci, oui. La semaine prochaine? Why not? Why not. Voilà, c'est lancé, c'est le mot. Donc, chers auditeurs, si jamais Miss Liu n'est pas là jeudi prochain, donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. ICD, non, arrête, Connie, arrête. Non, Miss Liu, vraiment, merci. On peut te retrouver sur MySpace aussi, je pense voilà. Que tu as un MySpace. Voilà. MySpace.com/MissLiu. Mix Liu, tout collé. Oui, tout collé. D'accord, donc on te retrouve sur MySpace. Jérôme B, il est juste derrière moi. DJ Tom, avec tous ces DJ autour de moi, je m'en mêle les pinceaux. DJ Tom, un petit mot sur ton internet aussi, avec oui. Un site que tu as recréé là au début de l'année. Oui, c'est ça, mon site internet. Alors www.dj-tom.fr. Oui. Vous pouvez retrouver un petit forum, il y a plein d'infos aussi sur ton émission. Toutes les infos, les actus soirées, les mix oui. Régulièrement tous les mois. Quelques playlists, tout ça. Ok, des mix. Et le mix, on te retrouve ce soir hein, du côté du VIP. Le VIP, ça se trouve où? Alors le VIP, c'est à Bellegame. C'est au-dessus de Peck. À 7-8 km de PEC. À 7-8 km de PEC et tu es ce soir pour une soirée house. Voilà, en guest DJ. Très bien, on te retrouve du côté du VIP. Côté mix, maintenant place à DJ Nicolas qu'on connaît ici. Nicolas, il mixe le mardi soir son émission Trip in Progress. Mardi, 21h-23h. Et j'ai l'encyclopédie de Galaxy en face des yeux. Ah non, j'irai pas jusque-là. Tu connais tous les programmes par cœur, c'est ça? Bon, presque, les miens et ceux qui m'intéressent. Bon, bonne réponse. Nicolas, c'est tout de suite pour une sélection trans, rétro-trans. Et puis juste après, on fera place à Jérôme B et on enchaînera avec Ice pour la deuxième partie de ton versus avec Connie. Il y aura aussi Dust. Hein. Dust aussi doit mixer. Bref. Ouais, on va faire un Ice versus Connie versus Dust. Versus faut plein de choses. De boire. Ouais, versus tous les autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est Nicolas et Nicolas Trip in Progress, un extrait. C'est tout de suite, on y va. Yeah.